Dalšia Petra 10. Quand vous perdez patience dans une situation quelconque, qu'est-ce que vous faites? Y a-t-il qui sont assez braves pour le partager? Quelle est votre habitude? Crier. Hein? Tu dis, bon, écoute, j'ai perdu patience avec quelqu'un, puis je vais élever la voix. Je vais crier. Ça, c'est une des façons que les gens vont réagir. Est-ce que d'autres personnes pourraient partager? Moi, quand je perds patience avec quelqu'un ou dans une situation, voici ce que je fais. Hein? Bon, il y en a qui dit, je décampe, je m'en vais, je tourne le dos, je fuis la personne ou la situation, et là, je démontre ainsi que j'ai perdu patience. J'en peux plus, je m'en vais. D'autres façons. Fâché, hein, la colère. Elle a dit plus rien par tout. Non, mais, elle se mord la langue, elle, hein? Bon, OK. T'es rendu trop loin. Et des fois, il y en a qui vont se mettre en colère, il y en a qui vont frapper, il y en a qui vont garrocher des affaires, il y en a qui vont jusqu'à tuer. Hein? On voit ça, là, la folie au volant là, qui monte depuis quelques années. Là. Ils vont mettre à la risque leur vie, à la risque de leur famille dans l'auto parce qu'ils sont ils ont perdu patience avec quelqu'un qui les a coupé le chemin ou le trafic. Quand on perd patience, on le démontre. Hein, de Jésus-Christ qui est son quelconque. Ça peut être des larmes aux colères, ça peut être l'indifférence. Qu'est-ce qui sort? De toute façon, dès qu'on est perdu patience, on devient indifférent avec la personne. Alors, je vous dirai pas qu'est-ce que je fais, mais je perds patience aussi. Dieu perd-il patience? On a souvent entendu dire que Dieu est patient. Ah, sa patience n'a pas de limite. Ah, sa patience n'a pas de limite. Et il y a plusieurs versets qui nous montrent cette vérité-là. Donc, on va les lire tranquillement. Je vais juste donner la référence pour que les gens puissent enregistrer, qui vont sur le CD pour écouter, sachent qu'est-ce qu'on lit. Romains 2, 4. Donc, la patience de Dieu nous pousse à la repentance. Mais Dieu est patient. Romains 3, 25. Celui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé infinis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. C'est intéressant ici, il parle de la patience de Dieu au passé. Au temps de sa patience, c'est pas comme s'il n'était plus aujourd'hui. Bizarre un peu, hein? Mais il parle de Jésus-Christ qui est mort. Et quand Jésus-Christ est mort, il a obtenu le pardon des péchés pendant qu'il était patient et qu'il ne faisait pas de quoi. Il n'a pas exprimé son impatience. 1 Pierre 3, 20 ou Romains 9, 22. Excusez-moi, j'ai sauté par-dessus. Hein? Donc, le verset nous dit qu'il est patient, mais il y a un jour de colère qui s'en vient. Dieu voulait montrer sa colère, mais il a supporté, il a été longanime, qu'on dit, il a été patient. Mais un jour, ça se présuppose qu'il va perdre patience. 1 Pierre 3, 20. Donc, la patience de Dieu. Dieu a été patient envers le monde avant le déluge. Et pendant qu'il est 120 ans, si c'est ça que ça a pris, 120 ans pour construire l'arche, Dieu a été patient. Mais à un moment donné, il était au bout de sa patience. Et le déluge a frappé l'humanité. Ils sont tous morts, excepté 8. Même vérité avec Sodome et Gomorre. Dieu a été patient pendant longtemps. Mais à un moment donné, le feu a tombé. Et toute la ville a été détruite, excepté trois personnes qui ont sorti de la ville. 2 Pierre, 3, 9. Et 2 Pierre, 3, 15. Donc, il dit, croyez que la patience de Dieu, c'est le salut de l'humanité. Si Dieu n'avait pas été patient, si elle avait été en colère, si elle avait eu le dos, si elle a commencé à gueuler, si elle a fait toutes sortes de choses, la destruction de l'humanité aurait eu lieu quand? Suite après le péché d'Adam et Ève. Mais il est patient. Il dit, c'est votre salut, sa patience. Si elle n'avait pas été patient, si elle n'avait pas, pas eu cette capacité de retenir sa colère, toute l'humanité serait péri. Et nous, en tant qu'Église, nous sommes appelés à la patience aussi. Nous sommes allés à la patience, nous sommes appelés à être des gens qui vont être aussi patients, qui vont attendre. Il ne nous parle pas ici, dans les textes que je vais faire lire, il ne nous parle pas d'être patient avec nos femmes, il ne nous parle pas d'être patient avec nos enfants, il ne nous parle pas d'être patient dans le trafic, il ne nous parle pas d'être patient avec nos gouvernements, il nous parle d'être patient en attendant son retour. Le mot pourrait être traduit « persévérant ». C'est le même mot dans le grec. Patient, persévérant, c'est le même mot. Donc il dit, il nous appelle à la patience. Regardez certains textes qu'on a ici, Romains 12, 12, « Réjouissez-vous avec espérance, soyez patients dans l'affliction. » Du pendant qu'on vous afflige, soyez patients, persévérez dans la prière. Donc, abandonnez pas la prière, persévérez dans la prière, mais soyez patients, même quand on vous afflige, continuez à croire, continuez à persévérer dans votre foi. Romains 15, 4, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc ici, il nous donne une petite ouverture, une petite lumière qui dit, si tu veux être patient, il faut que tu comprennes les Écritures. C'est les Écritures qui vont te rendre patient. Donc, vous connaissez probablement des gens qui sont plus patients que vous dans le trafic. Ah, vous en connaissez-vous? Ben oui, vous en connaissez probablement. Des gens qui sont plus patients que vous avec les enfants. Peut-être que votre conjoint était plus patient que vous avec les enfants. Peut-être qu'il y avait des gens qui travaillent avec vous autres qui sont plus patients que vous avec votre employeur. Mais ce n'est pas ça qu'on parle ici. On parle de patience. Qu'on attend Dieu, qu'on attend avec persévérance. Et c'est les Écritures qui donnent cette forme de patience-là. 2 Corinthiens 1, 6, « Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation, pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous. » 2 Corinthiens 6, 4, « Mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme les serviteurs de Dieu par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités et dans les détresses. » Il y en a d'autres, vous ne prenez pas le temps de toutes les lire, mais rappelez-vous, oh, il y en a un qui est trop bon, moi je le fais lire. Jacques 5, 7, « Soyez donc patients, frères, ensemble, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » C'est de ça qu'il parle ici. Soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Parce que dans le texte, il dit, si vous n'êtes pas patient jusqu'au retour du Seigneur, ce n'est pas un sauveur qui va arriver, mais un juge qui va vous condamner. Ça veut dire que c'est important de garder patience, d'être persévérant. C'est pour ça qu'il dit à plusieurs reprises, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui perd patience et qui rejette la foi, qui rejette Christ, qui déclare Christ menteur parce qu'il ne revient pas, c'est un juge qu'il va rencontrer et non pas un sauveur. Parce qu'il démontre ainsi qui n'a pas la foi, qui n'a pas la foi en Jésus. Jésus est un menteur, donc on croit plus en lui. Quelqu'un qui me partageait hier, quelqu'un, sa sœur est morte il y a plusieurs années. Oh, ça l'a incité à se rebeller contre Dieu. Et Dieu n'est pas juste. C'est pas juste qu'il vienne chercher une femme qui a 5 enfants en bas âge. C'est pas normal. C'est pas juste. Le père se remarie. 3 ans plus tard, c'est le père qui meurt. Et l'homme devient athée. Il n'est pas capable d'aimer un tel Dieu. Faire du patience. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Je peux pas croire que Dieu est bon. Je peux pas croire qu'il aime le monde quand il fait des choses de même. Beaucoup de chrétiens se demandaient si Dieu les aimait parce qu'ils étaient affligés, persécutés, dans les tribulations. Ils se faisaient tuer, ils se faisaient brûler, ils se faisaient manger, ils se faisaient massacrer par millions. Ils se demandaient, il nous aime-tu, notre Père, pour nous laisser dans de telles situations? Il nous aime-tu, notre Père, vraiment, pour nous laisser dans une telle misère? Pourquoi n'intervient-il pas? Mais il dit, soyez patients jusqu'au retour du Seigneur. Et on va voir ce soir, ce matin, qu'est-ce qui va nous aider à garder patience. Tout à l'heure, on a dit, c'était les Écritures. Merci, Paul, au moins, les Écritures. Fait qu'on va compter des Écritures, hein? C'est ça, c'est là qu'il faut aller chercher notre patience, si on veut être capable de passer la semaine. Et de garder patience malgré tout. C'est-à-dire rester persévérant avec le Seigneur. Il faut lire les Écritures. Fait que c'est ce qu'on va faire. Chapitre 10 de l'Épître aux Romains. L'Épître, l'Apocalypse, c'est-à-dire. Le livre de l'Apocalypse. Chapitre 10, verset 1. Juste avant ça, qu'est-ce qu'il y a eu? On a vu le premier malheur qui est arrivé. Hein? 4 trompettes, le tiers de destruction de tout ce qu'il y a sur la terre. Le tiers des arbres, le tiers de l'eau, le tiers des poissons, le tiers des êtres humains. Le tiers de tout ce qu'il y a sur le globe meurt, détruit par les 4 premières trompettes. Ensuite, la 5e, là, il dit, il arrête un petit peu, il dit, malheur à la terre pour les 3 autres trompettes qui s'en viennent. Parce que ça va être bien pire que le tiers de ce qui est arrivé. Et le premier malheur, vous vous souvenez, c'est quoi? Il est sorti quelque chose d'un trou qu'on appelle l'abîme, les fameuses sauterelles diaboliques que je vais appeler. Ces sauterelles qui sortent de l'abîme et qui viennent piquer tous les gens de la terre, sauf... Comment est-ce qu'il dit dans... Il ne dit pas chrétien. Il dit d'autres choses. Il dit quoi? Comment est-ce qu'il dit ça? C'est toute la même chose, mais un autre nom. Ceux qui sont marqués, ceux qui sont scellés, ceux qui ont le sceau de Dieu sur le front. Il dit, touche pas. Fait que moi, je vous encourage à regarder si vous avez le sceau. D'être bien sûr que vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, ça va faire mal. Mais je crois que vous l'avez, là. Mais je regarde tous les matins si je l'ai. Je regarde tous les matins si je l'ai. Je veux juste être sûr que je l'ai. Jusqu'à la fin. Tous les jours que Dieu me donne, je regarde si je l'ai. Parce que je ne sais pas quand il va venir. Puis je veux être certain que je l'ai. Quand il vient. Et là, il dit, il y a un deuxième malheur qui commence. Le deuxième malheur, il y a une autre sorte de bébite qui sort, qui arrive. Ce sont 200 millions qu'on a vus. Des chevaux, avec des têtes de lion, puis des queues qui piquent, puis en tout cas, toutes sortes de choses. Hein. Et là, ils font souffrir les gens, ils font mourir le tiers des hommes qui restaient. Et les gens souffrent. Et on a vu, malheureusement, qu'après ce grand malheur, la terre ne s'est pas repentie. Ils ne se sont pas repentis. Ils ont continué à faire quoi? À adorer leurs idoles, leurs démons. Et là, on est encore dans le deuxième malheur. C'est pas fini le deuxième malheur. Il va finir au chapitre 12. Chapitre 12, on va arriver au troisième malheur. Mais là, on est encore dans, cinquième trompette. Sixième trompette. On est encore là. Et là, il y a une espèce de petite parenthèse, de petit arrêt. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Mais j'entendis du ciel une voix qui disait, celle ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, et qu'il n'y aurait plus de délai. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, la septième trompette, quand elle sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme l'a annoncé ses serviteurs, les prophètes. Qu'est-ce que le message nous dit? Si vous arrivez à résumer ce chapitre-là dans un petit bout de phrase, qu'est-ce que vous diriez? Voilà, c'est ça. Plus de délai, c'est fini. Il dit, le mystère de Dieu va s'accomplir. C'est fini. Plus de délai. Ça veut dire que la septième trompette va enclencher, on va voir, la colère de Dieu. C'est ce qui va enclencher les sept coupes de la colère de Dieu. Dieu dit, c'est fini. Je suis à bout de patience. C'est fini. Dans un certain sens, on va voir que c'est effrayant, mais en même temps, merveilleux. En même temps. La patience de Dieu est terminée. Il dit qu'il y a un ange qui appelle. Il y en a ici parmi les chrétiens qui disent que l'ange ici, c'est Jésus-Christ. Non, je ne veux pas que tu le vois. Oh! Merci, Denise. Je pensais que c'était la Bible, tu dis ça devant rien de toi, la Bible. Je pensais même être éteint. Mais... L'ange, il dit... L'ange, il y en a qui pensent que l'ange ici, c'est Jésus. Puis là, qui disent l'ange, c'est un ange. Personnellement, je crois que c'est un ange, que ce n'est pas Jésus. Mais ce n'est pas aussi important. L'important, c'est qu'est-ce qu'il délivre comme message. Donc, si vous pensez que c'est Jésus, c'est correct. Moi, je pense que c'est un ange, parce que Jésus, dans l'Apocalypse, n'est jamais appelé ange. Il était toujours appelé autre chose. Les anges dans l'Apocalypse, dans l'ensemble de tous les mots, toutes les places que le mot ange apparaît, c'est toujours des anges, des serviteurs de Dieu, des messagers. Le mot ange veut dire messager. Ici, il amène un message. Jésus aussi est appelé ange de l'Éternel à des places. Lui aussi, il amène un message. Donc, c'est pas grave si on croit que c'est Jésus. Et cet ange-là arrive avec un petit livre dans ses mains. Il arrive avec un petit livre, et dans ce petit livre-là, il y a un message pour l'humanité. Le message pour Jean. Et il crie comme un lion rugissant. Cette semaine, j'ai été chercher sur l'Apocalypse le lion. Je vous assis de voir sur l'Apocalypse, sur Internet, je veux dire, pour comment, quand est-ce qu'il crie le lion, qu'il rugit le lion? Quand est-ce qu'il fait ça? C'est marqué dans l'encyclopédie que j'ai lue. Dès le lever du soleil, le lion manifeste sa puissance en poussant son célèbre rugissement, perceptible jusqu'à 9 km à la ronde. Ensuite, il part pour la chasse. Je me suis dit, mec, c'est beau. La même Dieu ici, c'est pas comme il y avait un lion qui rugissait. Là, Dieu va partir ensuite, puis il va exprimer sa colère. Le rugissement du lion, c'est le même ici dans l'encyclopédie que je disais, c'est la même chose que le coq. Quand le coq chante, c'est pas pour vous réveiller. Oubliez ça, hein? C'est pas pour vous réveiller. Il n'a rien à faire avec vous autres. Il ne veut rien savoir de vous autres. Que vous soyez là ou pas là, il va chanter pareil. Il chante pourquoi? Marquer son territoire, hein, comme le lion. Il dit à tous les autres coqs alentours, je te cite, et c'est à moi. Et si un coq qui répond, il va les trouver. Quand j'ai élevé ça, j'ai eu des petits poulets boule bendée qu'on avait. Et les petits poulets ont grandi, ont grandi, ont grandi. Puis quand ils sont devenus des jeunes hommes, ils étaient tous perchés sur la même chose dans la grange. Et là, le père, ma papa, papa, tu sais, ça se passe, ça fait là. Et là, le petit au côté, il regarde son père. Puis il lance son premier cri, la première fois. Le père regarde ça, la crête drette, les plumes drettent dans le cou, il se tasse. Un peu, il se met à côté du petit, il le regarde, puis bang, un bon coup de bec sur la tête, le petit dégringole là-bas. Ça a été le dernier matin, la dernière journée de sa vie qu'il couchait avec ses parents. C'était fini. Après ça, il était toujours couché tout seul au bout de la grange. Jusqu'à ce que le deuxième a commencé à chanter, il était rejoint son frère au bout de la grange. Et si la grange avait été plus grande, le père les aurait poussés encore plus loin. C'est ici, c'est chez nous. Je marque mon territoire. Le lion fait la même chose. 9 km à la ronde, il dit, c'est moi qui est le lion. S'il y en a un autre qui lance un cri ce matin-là, ils vont se trouver. Et Dieu ici, il lance un cri en disant, c'est moi ici le printemps, c'est moi le boss, et ma patience est finie. Je suis en colère et je vais mettre une fin à ce monde-là. Et là, il dit, on sait que c'est un peu de, comme les sept, un grand cri de 7 tonnerres. Donc, il y a un gros bruit. Et dans la Bible, quand vous voyez dans les proverbes, dans toutes les portions de la Bible, on parle souvent de grandes eaux, hein, des bruits de grandes eaux. C'est toujours, ça brille toujours la parole de Dieu. Dieu qui parle, Dieu s'adresse, c'est un rugissement, comme on pourrait dire les chutes de Niagara Falls. Tu vas être pas mal loin en Niagara, puis tu vas entendre les chutes couler. Parce que ça fait un rugissement, c'est quelque chose de fort. Puis ici, il dit qu'il y a 7 tonnerres. 7 tonnerres. Un tonnerre aussi, hein? Le tonnerre précède toujours l'éclair. C'est pas le tonnerre, c'est pas dangereux. C'est l'éclair qui est dangereux. Le bruit, c'est quand il y a la décharge électrique, tu entends la décharge, et ensuite ça, la lumière, l'éclair va frapper. Et Dieu dit ici, il fait comme un tonnerre, et là, il va frapper. Il va frapper. Donc, c'est tous des symboles qui sont là pour nous montrer que Dieu, c'est terminé. Puis là, Jean va pour écrire ce qu'il entend, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Celle ça, je ne veux pas que tu écrives ça. J'aimerais ça savoir. Mais pourquoi il ne voulait pas? Je ne sais pas. Pourquoi il ne veut pas qu'on le sache? Je ne sais pas. Tout ce que moi, je me suis dit cette semaine en méditant sur le passage, ça devait être trop effrayant. Ça devait être trop effrayant. Dieu est en colère, comme un lion qui rugit, comme le sept tonnerres qui frappe. Dieu est en colère. Il dit, écris pas ça, écris pas ça. C'est comme des fois, nous autres, on dirait, oublie ça ce que j'ai dit. Oublie ça. Le cri que Dieu lance, les paroles de l'ange et ce grand cri de lion et de tonnerre, c'est dit, j'ai perdu patience, c'est fini, c'est terminé. Il dit, il n'y aura plus de délai. Ensuite, il dit que les événements, regardez au verset 5 et 6, il dit, l'ange que je voyais debout sur la mer et la terre, leva sa main droite vers le ciel et il jura. Hein, on se fait dire qu'il ne faut pas jurer sur la Bible. Personnellement, ça ne me dérange pas. L'ange ici, il jure. Pas sur la Bible, mais c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend Dieu à témoin de ce qu'il a dit est vrai. Moi, il dit, il y a juste un groupe de personnes qui pourraient mettre sa main sur la Bible et jurer. C'est des chrétiens. C'est les autres qui prennent Dieu à témoin de ce qu'ils vont dire est vrai. Puis on croit en Dieu, nous autres. C'est sérieux? Si on m'en met là, Dieu est témoin de ce que j'ai est vrai, on va dire la vérité. Hein? Mais il y en a beaucoup qui mettent la main dessus, puis ils ne croient même pas en Dieu ni à la Bible. Dans la Bible, si vous cherchez le mot jurer, avec votre concordance, vous allez voir, c'est pas la seule fois, là, il y a plein de monde, plein de prophètes, plein d'hommes dans l'Ancien Testament qui jurent au nom de Dieu. C'est-à-dire qu'ils prennent Dieu à témoin de ce qu'ils disent est vrai. Je le jure par celui qui a créé tous les cieux et la terre. C'est fini. La patience est terminée. Il dit que bientôt vous allez entendre sonner la septième trompette. Et quand la septième trompette va sonner, c'est terminé. Donc, Dieu dit et annonce et crie et va sonner la trompette. Je ne sais pas si c'est cette trompette-là que Paul fait mention d'être sonnée. C'est la dernière trompette. Je ne sais pas si c'est celle-là. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Je n'ai pas pris position encore, mais il parle de trompette. Hein. La trompette, c'est quand tu sonnes, ça marque quelque chose. Soit le début, soit la fin de quelque chose. Il parle de cette trompette-là. Mais il dit, ça va arrêter à un moment donné. Ça va être terminé. Et le dernier, c'est le message. Le message, verset 8 à 11, ce message nous dit, le message du petit livre dit que c'est terminé. Ce foutu petit livre qu'on ne sait pas de ce qu'il y a dedans, vraiment. Il ne dit pas clairement, du moins, ce qu'il y a dedans. Il dit à Jean, il dit, prends le petit livre qu'il y a là, puis il dit quoi? M'enveloppe. J'espère que c'est juste une image. Je plus qu'il mange un livre. En tout cas, je ne sais pas. Manger un livre, ça ne doit pas être tellement intéressant. Mais je crois que c'est symbolique dans le sens « accepte ce que Dieu est en train de dire ». Peut-être, qu'il est en chocolat. Un livre fait en gâteau, hein, un gâteau, quelque chose écrit dessus. Mais il dit « mange le petit livre ». Puis là, il le prévient avant. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il va être doux comme du miel dans ta bouche, mais il va être amer comme de l'absinthe dans ton estomac. Il dit, ça va être doux, doux, doux. Ça va être bien, bien, bien amer. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? On sait très bien que ce n'est pas le livre qui fait ça, c'est le contenu du livre. Le contenu de ce livre va faire dans la bouche de Jean quelque chose qui est doux, qui est bon, qui est sucré, qui est appétissant, qui est agréable à manger. Mais quand ça va arriver, dans l'estomac, ça va être amer. Je crois que, moi, ma conclusion de ça, c'est pour certains, le message va être doux comme du miel, pour les autres, ça va être amer. Ça va être amer. Quand Dieu va perdre patience, pour certains, ça va être le temps de joie, de réjouissance, d'applaudissements. Ils vont crier de joie. On va vouloir s'en aller avec Dieu et partir avec Dieu. Nous autres, les chrétiens, quand on va entendre, si c'est la dernière trompette de Thessaloniciens, on va vouloir monter au ciel, on va s'en aller. Mais pour les autres qui vont rester, ça va être de l'amertume. Remarquez bien. Ça va être de l'amertume dans leur cœur. Ils vont être amers contre Dieu. Ils vont être amers contre Dieu. Là, il dit à Jean, il faut que tu proclames ça. Il faut que tu dises ça aux gens, le message de ça. Il faut que tu avertisses les gens du message que dans ce petit livre-là. Mais qu'est-ce qu'il dit? Moi, ma compréhension, c'est Dieu a une limite à la patience. Repentez-vous, revenez à Dieu, parce qu'il y a une limite. Ce n'est pas pour acquis que Dieu va tout vous accepter. Ce n'est pas pour acquis que ça va toujours durer. Il y a une limite à ça. Puis je pourrais vous dire que ce qui va nous rendre patients jusqu'à la fin, c'est de savoir que Dieu va perdre patience à un moment donné. Vous avez bien compris? Ce qui va nous rendre patients, c'est de savoir que Dieu va perdre patience et qu'un jour il va avoir une fin à ça, cette histoire-là. Parce que si on n'est pas convaincu qu'il y a une fin, on va perdre patience. Tout le monde est capable de persévérer jusqu'à sachant qu'il y a une fin à ça. Ah, oui, ça va pas bien, mais il va y avoir des meilleurs jours. Ah, ça va pas bien, mais ça va finir par finir. Ah, on va finir par avoir le bout du tunnel. Mais si je perds cette espérance-là, cette conviction-là, qu'il y aura une fin, je déprime. Mais le chrétien va persévérer parce qu'il sait que Dieu, un jour, va perdre patience, il va mettre une fin à toutes ces afflictions-là, toutes ces choses-là, tout ce péché-là, puis ça va être pour lui le commencement d'un nouveau monde avec Dieu. Donc, il ne faut pas voir la perte de patience de Dieu comme quelque chose de négatif pour nous autres, mais quelque chose de positif. Mais en même temps, ça nous stimule à dire, qu'est-ce que je peux faire pour ceux qui ne sont pas encore dans le troupeau de Dieu, qui ne sont pas encore des enfants de Dieu. Et il y en a encore, on a vu ensemble. Jésus a dit dans l'Apocalypse, quand tous ceux qui devaient mourir comme vous autres vont être tous rendus là, ça va être la fin. Donc je me dis, moi, tant aussi longtemps qu'il ne vient pas nous chercher, je peux encore prêcher, il y en a encore des gens qui ne sont pas sauvés, qui vont être sauvés. Je ne vais pas dire que c'est moi qui vais les amener au salut, mais il y en a d'autres, à quelque part, sur la terre, qui ne sont pas sauvés, qui vont l'être, à quelque part. Donc, c'est peut-être moi qui vais le conduire au Seigneur, vous autres, d'autres églises, d'autres mondes, d'autres places sur la planète, mais il y en a d'autres à sauver. Parce que quand il n'y en aurait plus à sauver, c'est fini. C'est fini. Le temps de la grâce va terminer. Ça va être le temps de la colère, le temps du jugement. Travaillons pendant que c'est le temps. Pendant que c'est le jour, pendant que c'est la clarté, pendant que Dieu est encore patient. Un moment donné ou un autre, dans notre évangélisation, il faut leur dire ça à quelque part. Ne compte pas que Dieu va toujours être patient. Un jour, il ne sera plus patient. Et on les encourage à prendre une décision pour le Seigneur. J'ai déjà prêché dans Jacques, chapitre 5, « Soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. » J'ai demandé aux chrétiens, « Comment est-ce qu'on peut savoir si j'ai perdu patience? » Ça se pourrait-tu que j'ai perdu patience et que je crois encore que je suis patient et que je l'ai perdu sans m'en rendre compte? Hein? Il y en a qui font ça, moi je fais ça. L'épître de Jacques a été écrit pour ça. « Frères, soyez patients. » Je vous encourage à lire, si vous voulez, pour faire du concours. Lisez l'Épître de Jacques. Il y a 5 façons de savoir si on a perdu patience. Dedans. Il y a 5 choses qu'il dit dans l'Épître de Jean, dans l'Épître de Jacques aux chrétiens. Parce qu'il parle aux chrétiens, là. Puis il leur dit de ne pas perdre patience. Puis il dit quoi? Il dit, regardez les diverses épreuves comme un sujet de joie parce qu'ils vont vous aider à être patients. Donc, les chrétiens à qui ils s'adressent, qui sont persécutés, qui sont dans la diaspora, qui ont été chassés de leur pays à cause de la foi, ils leur disent, soyez patients, ne perdez pas patience. Puis, ils donnent 5, on pourrait dire, façons d'évaluer notre vie personnelle, à voir si on a perdu patience ou pas. Parce que, personnellement, je crois qu'il y en a qui vont mourir dans les églises baptistes, puis qui vont avoir perdu patience. Ils vont être devenus baptistes ou de nom, ou évangéliques de nom. Puis il y en a plein d'églises dans des différents pays que tout le monde se dit chrétien, qui ne sont pas chrétiens, ils sont juste non chrétiens. À quelque part, ils ont perdu patience, mais pourtant, ils se disent encore chrétiens. Et je vous encourage à le faire. Essayez de trouver les 5. Il y a 5 choses qu'il dit dans le genre, regarde, parce que l'épître de genre, pour moi, c'est un appel à la patience. Soyez patient. Il commence, chapitre 1, verset 2, « Frères, soyez patients. » Puis il finit au chapitre 5, « Soyez patients jusqu'au retour du Seigneur. » Entre les deux, là, il leur dit, « Regardez, vous n'avez pas perdu patience. » Et si vous en apercevez, « Merci Seigneur, je m'en rends compte. » Et je me convertis. Il dit, « François, on est tous déjà des chrétiens. » Ça vous fait peur? Ça ne me fait pas peur, personnellement. Mais moi, ce n'est pas de savoir quand j'ai été sauvé qui est important. Ça n'a pas une simple importance pour moi. La seule importance pour moi, c'est être sauvé aujourd'hui. C'est ça qui m'importe. Aujourd'hui, est-ce que je suis sauvé? Il y a 25 ans, que je sois sauvé aujourd'hui, ou il y a 25 ans, ou il y a 50 ans, ça ne change rien. Je suis sauvé, je m'en vais au ciel, je m'en vais avec le Seigneur. Mais c'est aujourd'hui, hein? L'Épître aux Hébreux, Jacques dit, lui, la foi sans les œuvres, elle est morte. Voyez-vous? Ah, je vous en ai donné un. La foi sans les œuvres est morte. Si je n'ai pas les œuvres qui vont avec la foi, là, je ne vous dis pas c'est quoi les œuvres, mais si je n'ai pas les œuvres qui vont avec la foi, ça veut dire que ma foi, elle est morte. J'en ai un, là, OK? Au moins, vous m'avez trouvé un, là. Puis l'épître aux Hébreux, c'est la foi sans la persévérance est morte. Donc, si les chrétiens n'avaient pas des problèmes avec ça, si les chrétiens n'avaient pas des difficultés avec ça, si l'Église n'avait pas des difficultés avec ça, les Épîtres n'en parleraient pas. Mais les Hébreux sont en train de vouloir abandonner la foi, ils ont perdu patience. Et là, l'apôtre Paul, ou l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dit « Ne perdez pas de la patience, soyez patients jusqu'au retour du Seigneur. » Et on termine avec ça. On prie ensemble. Notre Père du ciel, nous sommes contents que tu nous encourages ce matin par ce chapitre en nous disant qu'il va y avoir une fin. Qu'il va y avoir une fin à ce monde de folie. Qu'il va y avoir une fin à ce monde qui persécute ton peuple. Le moment vient où la septième trompette va sonner et ta colère va se déverser d'une façon épouvantable. Et tu vas détruire le monde. C'est afin qu'on puisse, par ton Esprit Saint, s'évaluer, regarder dans notre propre vie personnelle. Suis-je patient? Suis-je persévérant? Dans le Seigneur. Ma foi est-elle vivante ou morte? Notre chair ne peut pas le savoir, mais par ton Esprit Saint qui est là, qui veut nous aider, qui veut nous éclairer, qui veut donner de la lumière, donner de toujours comprendre, chaque jour, de s'évaluer, de ne pas avoir peur de penser, de réfléchir. On te remercie, Seigneur, que ce n'est pas dans nos mains de changer le monde. Ce n'est pas dans nos mains d'améliorer le monde. Mais c'est dans nos mains de prêcher le message. De partager le message avec ceux qui nous entourent. Enfants, parents, amis, conjoints, qui ne te connaissent pas. Donne-nous de le faire. Parce que nous sommes encore au temps de la patience. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. On va se lever, si vous voulez bien, et on va chanter un dernier cantique. C'est pas tellement long. OK. Chaque instant de chaque jour, Jésus prend soin de moi, chaque instant de chaque jour, mon cœur est dans la joie depuis que le Christ m'a sauvé. Ça part pas? Chaque instant de chaque jour, Jésus, prends soin de moi. Chaque instant de chaque jour, Jésus, prends soin de moi. Bonne semaine à chacun de vous.